Et, lui dit Josépha dans l'oreille, c'est garanti neuf, c'est honnête, et pas de pain. Voilà Paris, j'ai été ça. C'est dit, répliqua le vieillard en se levant et se frottant les mains. Quand Olympe Bijoux fut parti, Josépha regarda le baron d'un air malicieux. « Si tu ne veux pas avoir du désagrément, papa, dit-elle, sois sévère comme un procureur général sur son siège. Tiens la petite en bride, sois Bartholo. Gare aux Augustes, aux Hippolytes, aux Nestor, aux Victor, à tous les Or. Dame, une fois que ça sera vêtu, nourri, si ça lève la tête, tu seras mené comme un Russe. Je vais voir à t'emménager. Le duc fait bien les choses, il te prête, c'est-à-dire il te donne, 10 000 francs, et il en met 8 chez son notaire, qui sera chargé de te compter 600 francs tous les trimestres, car je te crains. Suis-je gentille ? Adorable. 10 jours après avoir abandonné sa famille, au moment où, tout en larmes, elle était groupée autour du lit d'Adeline mourante, et qui disait d'une voix faible « Que fait-il ? » Hector, sous le nom de Toul, rue Saint-Maur, se trouvait avec Olympe à la tête d'un établissement de broderie, sous la déraison sociale, Toul et Bijoux.